va. La mise en jeu, c'est Donovan face à Luc Blin. Et du côté des Patriotes, à 2-2, on espère un dénouement heureux pour eux. Le tir de Méthode s'est aisément arrêté par Blanchard. Ça va être important du côté des Patriotes de tenter d'empêcher le plus possible les revirements, et s'assurer que si on a une occasion de marquer, d'en profiter, parce que les jambes vont commencer à être pesantes là, en fin de troisième période. En effet, Philippe. Et voilà, maintenant, la mise en jeu, c'est Donovan. Donovan va remettre... c'est gagné toutefois par Ottawa. Et c'est Blin derrière son filet. Blin, en contrôle, va remettre, tenter de remettre, mais pourtant, c'est Desjardins qui s'en empare à Petit le long de la bande. Et on tente un dégagement, tente une sortie de zone par Petit. Ça l'avorte, et maintenant, Harlin est en zone des Patriotes. Donovan s'en empare. Il a tout le temps du monde. Va dégager. C'est touché plus haut que la hauteur permise par Blin. On devrait être patient du côté d'Ottawa. C'est touché par Donovan. Non, du moins, Méthode semble avoir touché. C'est ce qu'on dit du côté de l'officiel et on va reprendre en zone neutre. Là, du côté de Méthode, on est vraiment furieux envers l'arbitre. Il va falloir faire attention. C'est pas la première fois que Méthode s'en va se plaindre à l'officiel et on l'a vu en deuxième période. L'officiel est quand même relativement sévère en ce qui concerne la rudesse des propos. Donc, on va reprendre là à l'entrée du territoire des GGs à l'extrême gauche du gardien. Et voilà, maintenant, à la mise en jeu, c'est Lévesque. Lévesque ne gagnera pas la mise en jeu. Et dites-toi, là, c'est Ottawa qui est en contrôle. En entrée de zone, c'est Harlin. Harlin prend un tir, c'est dévié sur un bâton des Patriotes. La rondelle est en fond de zone. On va dégager du côté de Brossard. La rondelle est bondissante. Ça ne se rendra pas jusqu'au bout. Et ce sera les Patriotes qui vont reprendre. On a tenté un dégagement, toutefois. Non, il y aura pénalité, là, du côté des Patriotes. Brossard, 2 minutes, coup de coude à l'endroit de Kyle Harlin. Mauvaise pénalité du côté de Brossard, là, le long de la rampe. Effectivement, le genre de pénalité qu'il fallait absolument éviter du côté des Patriotes, surtout très tôt comme ça en début de troisième. On l'a mentionné à la fois en début de match et à la fois en fin de deuxième période. Il faut éviter le banc de pénalité du côté des Patriotes. On est trop souvent au cachot et match après match. Et ça pourrait nous coûter la victoire ce soir. Et voilà, maintenant, c'est Laroche à la mise en jeu contre White, la deuxième unité et offensive du côté des GGs. La rondelle est derrière le filet. C'est repris par White lui-même. Il va remettre à la défensive vers Burns. C'est derrière le filet. Et maintenant, c'est White qui s'en empare au cercle gauche. Il va tenter une passe vers le centre. C'est Laroche qui réussit en plongeant, touché. Et on effectuera des changements là, grâce à ce dégagement. Jonka, premier arrivé sur la rondelle en zone neutre. Il retourne la rondelle en fin fond de zone d'Ottawa. Où est-ce que ce sera pris par Burns? Burns derrière son filet, il prend son temps, le temps à ses joueurs de s'installer. Et le voilà qui décampe, il est maintenant en zone neutre, mais vers Hayes. Hayes tire la rondelle en fond de zone, où est-ce que c'est repris par Blanchard. Blanchard vers Chicoine, la rondelle est le long de la rampe. Robichaud l'immobilise, tente de gagner du temps, c'est bien fait de son côté. Plus que 1 minute 11 à la pénalité à Philippe Brossard. La rondelle est en le centre, c'est un tir qui a été pris par Burns, mais on a bien bloqué du côté de Blanchard. La rondelle est derrière le filet, c'est Blondin. Blondin tente de couper au filet, mais il est arrêté par Chicoine. Et voilà maintenant Robichaud. Robichaud va tirer la rondelle en fond de zone. Dégagement, et on effectuera des changements. Encore une fois, comme on le faisait en première période, on contrôle très bien le centre de l'enclave du côté des Patriotes et on laisse les GGs travailler en périphérie, ce qu'on a moins bien fait en deuxième période. Et voilà, en zone neutre, c'est Harlin. Harlin, les passes sont pas très précises là, du côté d'Ottawa et ça leur coûte cher parce qu'on a réussi pas à relancer l'attaque. Et d'ailleurs, Lévesque a réussi à prendre le contrôle, à amener la rondelle jusqu'en fin fond de zone. Et c'est même lui là qui va, après l'avoir perdu, va la reprendre. Lévesque à la ligne bleue à Maltais. Maltais était sorti de zone, va tout de même tirer la rondelle en fin fond de zone. Où est-ce que c'est repris par Bradley? Plus que 20 secondes à faire à la pénalité de Brossard. 17 minutes 19 à faire à cette troisième période. En entrée de zone, c'est Jalbert. Quel mauvais jeu d'Harlin. C'est laissé traîner, les patins un peu glissés en dedans et en dedans de la zone. Et on devrait reprendre en zone neutre. Là. Je parlais de mauvaise exécution du côté d'Ottawa. On le voit bien là présentement. Tout à fait. 3 contre 2 qui se dessinaient du côté des GGs. Et malheureusement pour eux, heureusement pour les Patriotes, mauvais jeu du côté d'Harlin, comme tu l'as mentionné. Et on reprendra en zone neutre. La mise en jeu est gagnée par Ottawa, mais de façon un petit peu trop forte. Et la rondelle se retrouve derrière le filet de May. 4 secondes à faire la pénalité. Philippe Brossard est de retour sur la patinoire. C'est 5 contre 5. Et voilà Jalbert qui entre en zone. La rondelle est libre. C'est Robichaud qui s'en empare. Méthode prend un tir. Bien arrêté par Blanchard.